et ton air mesquin. Toi tu t'amuses, tu prends la lumière, tes robes en satin, tes cheveux châtains. Gabriel, Gabriel, Gabriel, oh Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, oh Gabriel. J'irai partir te faire la guerre, mais face à toi je perds mes moyens. J'envie tes yeux et ton caractère, ta façon de boire à tomber par terre. Gabriel.